tous, je suis content d'être là pour la deuxième de La Voisinade. Et aujourd'hui, pas de chichi, pas de chouchou, pas de chacha. Comment vous allez autour de la table? Ça va bien. Docteur, visiblement. Ça va, votre rentrée s'est bien passée, le mois de septembre se passe bien, il fait beau, il fait chaud, tout ça. Bah, tout va bien, okay, ouais, tout va bien, tranquille, mais ça va. Voilà. Et bah, je suppose que tout le monde va bien autour de la table et aussi autour de son autoradio. C'est une expression très bizarre, mais c'est pas grave. On va attaquer directement ce que vous attaquez vite aujourd'hui avec Charles. La Voisinade sur Fadjet. Et Charles, à quoi on joue ce week-end? C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont... Et ben voilà Charles, vas-y, tu nous as dit que t'aimais... Tu l'as dit à personne, mais du coup, je sais pas la chronique voyage du coup. Non, non, ça sera que pour les rentrées de voisinade. Ah d'accord, voilà. J'ai confondu, ok. On va le refaire, j'ai bien aimé. Je précise d'ailleurs que nos magnifiques chroniques de la voisinade sont toujours disponibles sur Spotify. Voilà, c'est fait. Si, il est vrai, il est vrai. Du coup, je sais pas de chronique voyage aujourd'hui, effectivement, je parle jeu de société, mais quand même, la chronique des deux semaines, ça m'a inspiré. Je me suis dit, je vais vous faire voyager grâce aux jeux de société. Du coup, je vous ai préparé un petit itinéraire des jeux, ça va être super chouette. Alors du coup, moi, je vous propose, on commence à Nancy quand même, parce que ouais, là, voilà, on est à Radio Nancyenne. Et du coup, on va aller voir un éditeur de chez nous qui s'appelle Holy Grail Games, les jeux du Saint Graal. C'est un éditeur basé à Nancy. Et ils ont fait un jeu, ils ont fait plusieurs, hein, ils ont fait Domination, que vous connaissez, qui est un de mes jeux préférés. Oui. Et le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, ils ont fait Rallyman GT, qui est un jeu de course de voiture. Et du coup, on va commencer notre voyage par prendre la bagnole pour aller ailleurs. Alors, pas très écolo tout ça. Hein. Ouais, bah écoute, non, t'as raison. Quand on voyage, on n'est pas écolo, hein, c'est non, comme ça. C'est hein. Vrai. C'est vrai. Sauf si on voyage à pied, mais on va pas très loin. Mais du coup, voilà, j'avais pas de jeu de marche à pied. Non, si l'Axou, c'est pas ouf le voyage. J'aurais pu vous trouver randonneur GT, mais je suis pas sûr que ça marche. Ok, alors du coup, j'ai qu'une minute par jeu, donc on va se dépêcher. Hein. Rallyman GT, c'est un petit jeu de. Enfin, c'est un petit jeu, c'est un jeu de course de voiture, comme je le disais, qui coûte une quarantaine d'euros pour 1 à 6 joueurs et pour des parties d'une à deux heures. Dans lequel le but c'est de faire une course de voiture tout simplement, et c'est un jeu en fait qui va être joué avec des dés. Des dés, voilà, t'es sûr? Je pensais que Mélie allait faire plus. Non, mais ouais, je me suis retenu, mais en fait j'aurais pas dû finalement. Et en fait, c'est un jeu qui est hyper intéressant parce qu'il y a du hasard lié aux dés, mais en gros, il y a toute une gestion de la gestion du risque justement. Et selon si tu vas lancer plus ou moins de dés, ou si tu vas les lancer un à la fois ou tous en même temps, t'as plus ou moins de risques, et selon tu vas gérer ta vitesse pour savoir à quelle vitesse t'avances et quels risques tu prends dans les virages, etc. C'est un jeu qui est quand même qui a une part d'aléatoire parce qu'on lance des dés, donc il y a toujours du hasard. Oui. Donc Galen il va forcément perdre. Voilà. Mais il y a quand même une, voilà, une stratégie où il faut des fois tenter le tout pour le tout, et puis des fois y aller tranquille, sûr, être sûr de pas se viander et de pas perdre des tours, quoi. Super bon jeu. Allez, on continue notre parcours parce qu'on a pris la voiture et de Nancy, on est allé jusqu'à Carcassonne. On a fait un bon voyage jusqu'au sud de la France. Ouais. On est très content. Et fatigué. Carcassonne, dedans. C'est chaud. C'est ça. Et une fois qu'on est arrivé à Carcassonne, on va jouer au jeu. Carcassonne! Et voilà. Ou non! Alors non. Le mec n'a pas du tout écouté. Carcassonne, c'est un jeu qui est hyper connu, en fait, qui fait partie des nouveaux classiques du jeu de société. C'est un jeu qui coûte une trentaine d'euros pour 2 à 5 joueurs et pour des parties de moins d'une heure, dans lequel le but, en fait, ça va être de créer sa ville dans un jeu de ce qu'on appelle. Comment on dit, de pose de tuiles. En gros, on va tirer des tuiles et avec les tuiles, on va les poser pour essayer de construire la meilleure ville en posant des fermiers dessus, dans des fermes, etc. Et le but, c'est de gagner le plus de points de victoire. Et c'est un jeu qui est excellent et qui a été maintes fois reconnu comme un excellent jeu et qui est connu par beaucoup de monde maintenant. Il n'a pas 50 000 extensions. C'est ce que j'allais ce dire, jeu. Et qu'il y a 10 000 extensions. J'allais dire si, oui, il y en a beaucoup. Hein, ouais, il y en a une dizaine, voire même plus, qui rajoutent toujours des petites mécaniques en plus, plus d'interactions. Je crois même qu'il y a un mode coop qui a été rajouté. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. Quoi. Il y a c'est le seul jeu qu'on n'a pas. Non, c'est pas le seul. Ça fait partie des jeux qu'on n'a pas quand même. Et c'est un jeu qu'on n'a pas. C'est bizarre. En fait, c'est un jeu qui, j'en parlais tout à l'heure en parlant dans l'autre jeu avec les voisins, c'est un jeu qui objectivement est excellent mais qui n'est pas dans mon type de jeu. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je ne l'ai pas acheté, pardon. Dans le genre de jeu qui n'est pas mon type de jeu, mais qu'on a pour le coup, c'est un jeu qui va nous emmener jusqu'en Angleterre par le train. C'est pas très malin d'être allé à Carcassonne pour remonter jusqu'à... Bah ouais, oui, bah, on aurait dû faire l'inverse quand même. Tu connais l'application Maps? Ouais, écoute, je fais ce que je peux, ok. Je fais ce que je veux, c'est ma chronique. C'est vrai. Et donc du coup, on va prendre le train, on va aller jouer aux Aventuriers du Rail pour se balader en train. Alors les Aventuriers du Rail, je vais pas en parler pendant 8 ans, tout le monde le connaît, ça fait pareil partie des très grands classiques de maintenant. C'est un jeu dans lequel on va créer ces lignes de train. Avec des objectifs secrets qui se jouent de 2 à 5 joueurs, voire même plus avec certaines boîtes. Et ça coûte une 40aine d'euros. C'est pareil, les prix varient parce qu'en fait, il y a des tonnes de boîtes. Oui, là aussi, il y a beaucoup de différences. Pour le coup, il n'y a pas énormément d'extensions. Enfin, il y a des versions, mais il y a aussi plein de versions différentes. Il y a Europe, voilà, Amsterdam. T'as une version par continent, t'as des versions par grande ville. Ouais, c'est ça. T'as des pays, des continents, des villes, il y a tout. Il y en a 25 différentes. Tu trouveras forcément ton bonheur. C'est le jeu de société le plus vendu au monde après Monopoly. Ah ouais ? Ouais. Ah oui. C'est le numéro 2. Et du coup, une fois qu'on a pris le train, on est arrivé à Londres, on est content, on est passé par le tunnel sous la Manche. C'est trop cool. Je ne sais pas si le train il passe par le tunnel sous la Manche, mais on va dire que si. C'est rare qu'il passe au-dessus. Ouais. Oui. C'est vrai. Que... Alors, il y a Moïse dedans. Je vous ai déjà dit que j'étais nul en géographie. Et du coup, une fois qu'on est arrivé à Londres, on va pouvoir jouer à Mr. Jack Londres, qui, comme son nom l'a dit, se passe à Londres. À Jack. Merci, Mélie. Mr. Jack, c'est un jeu pour deux joueurs uniquement. Qui coûte 27 euros et qui se fait des parties assez rapides entre une demi-heure et max une heure. Et en gros, le but, c'est d'avoir deux joueurs qui ont des rôles asymétriques. C'est en ça qu'il est sympa. C'est qu'il y a un joueur qui va jouer Jack l'Éventreur, d'où le nom du jeu. Oui. Et il y a un joueur qui va incarner une équipe d'enquêteurs. Et en gros, à chaque tour, il va essayer de récupérer des indices sur ce que fait Jack l'Éventreur, qui lui va essayer de se cacher. Et en gros, il y a toute une histoire de jeu de lumière où, à la fin de chaque tour de l'enquêteur, Jack il doit dire si je suis dans l'ombre ou si je suis dans la lumière. Et en gros, un peu à la manière du qui est-ce, l'enquêteur va pouvoir éliminer des cibles potentielles et trouver le bon. Donc c'est vraiment un jeu de déduction, de stratégie à deux, qui est hyper sympa et qui, pareil, qui est très reconnu. Et ils en ont fait une version qui s'appelle Mr. Jack Pocket, qui reprend le même principe, mais dans une boîte plus petite. Qui est aussi c'est pas dans une poche ? Ça pourrait être dans une poche, du coup. C'est de pouvoir rentrer dans la poche, c'est le but. Les règles sont un peu différentes, mais c'est globalement le même jeu, mais plus transportable. Allez, maintenant qu'on est parti de Londres, enfin, on n'est pas encore parti de Londres, justement, on veut partir de Londres. Et donc, du coup, quoi de mieux que pour partir de Londres que le bus ? Et donc, du coup, on va le prendre, le bus, grâce au jeu Get On Board. Ah, on connaît ça. Et oui, on y a joué une petite avant-première de l'auteur de Yellow, qui est aussi un auteur pas annoncé. Hein. Il est C'est un des patelins du coin. Si nous écoute, faut pas nous en vouloir. On vous aime et on veut revenir. C'est l'agglomération Nancy-Metz. Voilà, c'est ça. Ah oui, toi c'est l'agglomération Nancy-Metz quoi. La Lorraine quoi. Non mais c'est on englobe tout. C'est dans Nancy étendue quoi. C'est l'Europe, c'est bon. On localise. C'est l'espace. Enfin bref. On peut y aller longtemps comme ça. Tu m'étonnes. Get On Board, c'est un jeu où le but, c'est de créer sa ligne de bus, mais avec une mécanique particulière. C'est ce qu'on appelle un roll and write. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, chaque joueur va avoir une petite fiche qui lui est propre, où il va pouvoir noter ses points et tout. Et on va lancer des dés, donc d'où le roll and write. Donc, roll, on va lancer les dés, et write, on va écrire sur notre petite fiche ce qu'on fait. Et du coup, on va poser aussi, ouais, si je me souviens bien, on va poser des petites tuiles sur un plateau central, etc. Et petit à petit, on va récupérer des passagers sur notre ligne de bus. Oui, on pourrait récupérer des petites mamies, je me souviens. Ouais, on pourrait récupérer des mamies, des étudiants, des businessmen. Ouais. Des mamies surtout. Des tuiles, elle ressemblait pas mal au principe des aventuriers du rail avec ton petit chemin que tu crées. Ça ressemble un peu, mais du coup, avec une mécanique de scoring qui n'a rien à voir. Ouais, c'est ça. Avec la petite fiche à côté où on va noter son nombre de passagers, etc. Et le but, c'est de faire la ligne de bus qui rapporte la plus grand nombre. Et plus il y avait de mamies, plus on avait de points parce que les mamies elles aiment bien discuter entre elles. Voilà, c'est ça. J'aime bien le concept. Et les étudiants ils rapportaient des points quand ils passaient à la fac, etc. C'est vraiment un très bon jeu. Ça coûte 25 euros pour 2 à 5 joueurs. Jouez-y. Est-ce que j'ai le temps de continuer mon petit voyage Il te reste 1 minute 30. 1 minute 30. Oula, il va falloir vite. Alors, du coup, une fois qu'on a pris le bus depuis Londres, on va aller faire un petit tour à Birmingham, au nord-ouest de Londres, pour jouer à Brass Birmingham. Brass Birmingham, c'est un jeu qui coûte 60aine d'euros pour 2 à 4 joueurs et qui est déjà un jeu pour le coup de type expert dans lequel on va gérer les ressources, construire des bâtiments. C'est un jeu que j'ai auquel on n'a jamais joué, ça fait 1 an et demi que je l'ai acheté. Là, celui-là ? Ouais. Alors on a la version Lancashire qui est la première version de Brass. La version quoi ? Lancashire, c'est une autre ville anglaise. Voilà, j'allais le dire. Mais... Non, il faut préciser. Nos auditeurs ne sont pas tous. Non, mais il lui faut l'accent, elle, Lancashire. Okay. Voilà, là, je comprends. Okay. Alors, je pense pas qu'il prononce Lancashire, les Anglais. Si, mais elle a dit Joie, donc il faut dire comme ça. Voilà, alors du coup, allez, je finis hyper vite avec les 20 secondes de Fred. Une fois qu'on est à Birmingham, on va prendre le bateau, on va faire une petite croisière avec le jeu Onboard, à ne pas confondre avec Get Onboard, effectivement. qui est un jeu de croisière pour deux joueurs où les joueurs s'affrontent dans un flip and write. un peu comme Geddonborn. Oui. Mais sauf que cette fois, le but, ça va être de récupérer des passagers pour sa croisière, de créer des cabines de plus en plus cool avec des bars et tout. Trop bien. C'est marrant. Ça doit être sympa, c'est ça, ce jeu. C'est un jeu, ouais, c'est le genre. Bah, c'est pareil, c'est un jeu qui objectivement est bien, mais qui n'est pas mon genre de jeu. J'aime pas trop les jeux de truc and write, ouais, de manière générale. Les flip and write où tu flips et après tu write. Voilà, peu, ouais, moi je préfère write d'abord et flip après. Allez, pour finir notre voyage depuis Birmingham, on a pris le bateau et on s'est arrêté à New York parce qu'on n'a pas trop le temps, donc on n'est pas allé trop loin non plus. Et on a joué à King of New York. Voilà, on est devenus les rois classique de New York. Aussi. Qui est en fait un presque classique. En fait, le classique, c'est King of Tokyo, qui est un jeu. Oui, mais qui est dérivé du classique. Et du coup King of New York, c'est un peu la suite de King of Tokyo. C'est un jeu dans lequel les joueurs qui sont de 2 à 6, pendant une heure maximum, vont se foutre sur la tête pour être le dernier survivant et être les rois de New York. Voilà, merci d'avoir voyagé. My captain, je sais pas dire des phrases de pilote d'avion. Vas-y, Guillaume, te fais-le. Hello, this is captain today. The weather is very hot today. And... voilà, après, je sais pas ouais, où voilà. Ah, tu croirais presque. Non, moi, il faut le faire avec un bruit de corps. Si tu fais comme ça, c'est voilà, que t'as des amorçages, des toboggans. Et ouverture de la porte opposée. C'est vérification de la porte opposée. C'est ouais, ça. C'est Camille, la spécialiste des. Moi, je l'ouvre, la porte opposée. Okay. Vérification de la porte opposée. Merci, Camille. Merci, Charles, pour cette belle chronique. On va faire une première pause musicale. Et attention, alors, il faut pas écouter ce que dit Ed Sheeran, ce qui dit bad habits, mais la good habit, c'est d'écouter La Voisinade jusqu'à 19h sur Fadjet. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring at space and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, yeah, now I can't escape. Nothing happens after two, it's true, it's true. My bad. Mais à chaque fois la musique se relance. Oh là là, mais qu'il est nul cet animateur. Oh là là, le branquignol. Je vous lance le jingle bien cette fois, promis. La voisinade sur Fadjet, les histoires de Mélie. Et promis, celui-là, il va pas se relancer n'importe comment. Mélie, c'est à ton tour, vas-y. Cool. Du coup, on est au mois de septembre, et moi j'avais envie de continuer des chroniques en lien avec ce mois de septembre, parce que je me suis rendu compte que c'est souvent le mois où les gens prennent des résolutions. Oui, c'est vrai. Il y a janvier, mais il y a aussi septembre, c'est-à-dire que... Autour de moi, j'ai des collègues qui me disent « Oh tiens, moi cette année, je vais arrêter de manger n'importe quoi. » C'est marrant parce que les résolutions de septembre, c'est celles qu'on a fait en janvier mais qu'on n'a pas tenues. C'est ça. C'est drôle. Et qu'on essaiera de reprendre le janvier d'après. Hein. Voilà. Et qu'on refera toujours pas. Hein. C'est ça. Et du coup, j'ai remarqué qu'il y avait souvent des résolutions en rapport avec le sport. Des gens qui se mettaient au sport. Oui, du coup, j'ai décidé de vous faire une petite histoire des sports. J'ai pas encore de rapport avec l'histoire. Une mini pause, mais je suis allé à la salle de sport le jeudi de la rentrée. Il y avait plus de monde que toute la semaine d'avant. Donc, c'est sûrement pas un hasard. Moi, par contre, j'ai pas pris de résolution. C'est pas grave. Le sport, nous. Alors, en fait, il faut quand même savoir qu'au niveau du sport, on a des sources qui sont assez minimes sur les activités sportives hein, des populations primitives, notamment les peuples de Mésopotamie. Ils ont pas écrit sur quel type de sport ils pratiquaient, ou du moins très peu. Idem sur le bassin méditerranéen, hein, on sait pas trop ce qu'ils faisaient. C'est quoi la Mésopotamie ? La Mésopotamie, c'est une civilisation. C'est un qui avait, restaurant. C'est un lieu dans lequel il y avait une civilisation connue. C'est à côté du Tigre et de l'Euphrate, c'est au niveau des fleuves là. D'accord. Il faut toujours pas aussi. C'est pas grave. Bon, et reprend. C'est en Europe, c'est quoi ? Ouais, je sais pas. Non, c'est pas en Europe. Bah, c'est ça ma question, bah, c'est dans quel coin ? C'était près quel continent ? À quel continent ? Bah, c'est au Moyen-Orient. Enfin, c'est d'accord. Le continent. Le continent qu'on sait pas situé en fait. C'est une question piège. Mais passons à autre chose. Et là, en fait, t'es en train de se dire, mais tout le monde sait où c'est, il est con, lui. Du coup, je sais pas expliquer. C'est au niveau de l'Europe et c'est. Ouais, c'était proche et Moyen-Orient en fait. D'accord, ok. C'est pas clair. Eh bien, merci. Et ça, ça a son capes d'histoire. Il y avait pas la Mésopotamie au programme. C'est ça. Je sais plus où j'en étais. Voilà. Le sport. Pardon. Et donc, comme sport, il y a l'entraînement militaire, surtout à l'époque. Hein. On fait du sport juste pour défoncer ses adversaires. Et il y a également des cultes sacrés. En fait, pendant les cultes sacrés, il va y avoir du sport qui va être mis en place, de la danse et de l'acrobatie. Généralement, on fait du sport à l'époque pour les dieux. Et c'est une cérémonie qu'ils font, et puis du coup, il y a un truc. C'est ça, sport pour les dieux, c'est un spectacle plus qu'un sport, du coup. Au repos, par exemple, les guerriers d'Achille, ils vont lancer parfois des disques, des javelots, ils vont tirer à l'arc, mais il y a toujours un esprit lié au sacré. Ou aux guerriers, en l'occurrence. Ou aux guerriers. Lancer des javelots, c'est plus guerrier que sacré, je trouve. Oui, guerrier, ça le fait sans bonne prière. C'est plus ils s'entraînent à les lancer sur leurs adversaires la semaine d'après. Quoi. Oui, mais ils veulent les lancer sur les adversaires pour avoir pour les faveurs des dieux. Donc, si finalement, tu le lances c'est sur ton pote, là, t'es sacrément con. Et du coup, ça devient sacré. Voilà. Oh. Bravo. Et donc, l'aspect ludique en fait, des Jeux va vraiment se concrétiser avec l'apparition des Jeux Olympiques, forcément, vers... Moins 200. Pardon. Et Guylaine, dans sa chronique, la dernière fois, il a dit qu'à Olympie, il faisait que 200 mètres, et c'est tout. Aux premiers Jeux Olympiques, ouais. Donc, ils étaient nuls en sport. Bah oui, donc les Jeux les plus courts du monde. Les Jeux Olympiques, c'est. Ça m'a choqué cette. J'en sais rien, on s'en fout. Vous savez quoi 776 avant Jésus-Christ. Je peux dire que c'était à Olympe, mais après. Olympie. En plus, le gars, il a donné une info. C'est pas la ville. Sur le mont Olympe, non? Alors, il y a également, dans la Rome antique, essentiellement des cours de chars. On avance un peu dans le temps. Hein. La pratique sportive, elle est organisée et elle est introduite en Gaule par les Romains, notamment, qui vont créer des arènes, des stades, des hippodromes. Mais on reste quand même proche du guerrier. Hein, parce que, oui, ah bah, c'est vrai. Les ça reste courses proche de chars, du guerrier, ça ouais. Reste proche de « j'ai un char pour casser la gueule » quand même. Mais avant ça, il faisait du cheval. Donc, il faisait du sport aussi. Oui, mais le cheval, c'était mais plus un moyen de transport qu'un sport. C'est un moyen de transport ou un moyen de guerre mais aussi. Mais finalement, c'est du sport, oui. Pour nous, aujourd'hui, c'est du sport. Oui. Et donc, cette période romaine est marquée par la course de chars, qui est vraiment le sport roi de l'Antiquité. Hein. Aujourd'hui, c'est le foot. À l'époque, c'était la course de chars. Et tous les grands spectacles sportifs ont les combats de gladiateurs, avec également des fauves, hein, on se bat quoi, pour faire du c'était sport. C'était vraiment des sanguinaires. Quoi. Ils pensaient vraiment qu'à se foutre sur la gueule. Hein. C'est vraiment terrible. Et donc, la Rome du IIe siècle va prôner l'intérêt de l'activité physique pour le maintien de la santé. Un peu comme aujourd'hui. Ah ouais. Et manger 5 fruits et légumes par jour aussi. Ouais, bah, quand on voit le sport, maintien de la santé, gladiateur, fauve. Ouais. Ouais. T'es pas trop quand même. Il y en a un qui est plus sur l'avantage. Bah, si, en même temps, si t'es mort, t'as plus de problème de santé. Quoi. C'est vrai. C'est l'avantage. Ça réduit les choses. Là, le trou de la sécu, je peux le dire, quoi. Ils sont tous morts et qu'il n'y a plus personne à soigner. Ah bah, le trou de la sécu, il est dans l'abdomen. C'est ça. Le fauve, il bouffe même les cellules cancéreuses. Ouais, c'est une super thérapie. Il est pas compliqué, lui. Hein. C'est vrai. Au niveau du Moyen-Âge, donc, il y a des tournois qui vont être organisés. Alors évidemment, ces tournois, c'est des choses qui sont violentes, hein, qui entraînent de nombreux morts et blessés. On n'est toujours pas sur le sport qui maintient la santé. Quand est-ce qu'il faut du ping-pong dans l'histoire? Pas tout de suite, pas tout de suite. Il y a des variantes de sport non violentes qui vont apparaître, mais qui ne sont pas très populaires. Il y a des joutes, notamment équestres, sans armes. Ça plaît pas trop. Ouais, les gens ils sont là, mais ils c'est du nul. Cheval pour se mettre des c'est, ça, là. C'est pas... du foot sans ballon, c'est quoi ce machin? Donc voilà, il y a le décès en fait d'Henri II. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Si, le frère de Henri II. C'était un vrai sport. Ah non, pardon. Le décès d'Henri II, donc de France, en 1459, à l'issue d'une joute équestre, va finalement sonner le glas des sports de la chevalerie. En fait, il a fait un tournoi de joute et il s'est pris un morceau de la lance dans l'œil et il est décédé dans d'atroces souffrances. Bah oui, tu m'étonnes. Donc forcément, après, on s'est dit, ah, c'est peut-être un peu dangereux quand même. Bah oui, en même temps. Le c'est roi, pas super sécure, ça. Et du coup, ils ont commencé à faire des joutes sans armes. Ils faisaient quoi du coup? En fait, non, les joutes sont partis. Ah, ils ont arrêté après ça. Des bas, c'est des joutes de joues. Du coup, oui. Voilà. Des joutes. C'est comme ça qu'on se fait la bise maintenant. Voilà, ça, c'est le sport qui a des vies, c'est la bise maintenant. Je continue, j'ai encore un peu de temps. Oui, vas-y. Sous l'Ancien Régime, il y a des sports qui apparaissent, des sports vraiment réels. Par exemple, la crosse, le billard qui apparaît également. C'est un sport. C'est considéré comme un sport. Oui. Le jeu de qui apparaît à ce moment-là, le tir à l'arc, l'escrime, mais comme sport, non plus comme. Oui, parce que le tir à l'arc, on avait déjà pendant les sacrifices hein, tout à l'heure. Hein. Ah, mais c'est plus utilisé comme. Non, on tire plus sur des gens. Voilà, on tire sur des cibles. On a inventé la cible. Les cibles qui bougent. Il y a également fait, c'est ça l'avènement du sport, c'est la découverte de la cible. C'est si on arrêtait de tuer des gens à chaque fois qu'on voulait s'amuser. Là. C'est ça. Le cricket également qui devient célèbre à partir de la Révolution. Il y a une première mention en France du jeu de quilles qui date de 1318. Donc. Ça date quand même du Moyen-Âge, mais sans doute c'était pratiqué plus souvent après la Révolution. Et il y a un sport qui est beaucoup aimé en France, qui est le jeu de paume. Vous devez savoir. Du tennis. Le tennis sans raquette. C'est ça, célèbre avec le serment du jeu de paume. Voilà. Je sais plus ce que c'est, mais je sais que ça existe. C'est un début. J'ai fait une chronique sur la Révolution française, tu iras écouter. Oui, je sais que c'est un rapport avec la Révolution française. Mais... Et donc le jeu de paume va connaître un certain triomphe après cette Révolution. Et en fait... Il faudra attendre l'époque contemporaine, hein, donc le 19e siècle, pour voir vraiment les sports tels qu'on les connaît aujourd'hui se développer. Ah, enfin du ping-pong. Tout simplement, donc notamment le ping-pong. La Première Guerre mondiale, elle est essentielle parce que c'est une guerre de position qui entraîne en fait de nombreuses rotations chez les soldats depuis le front vers l'arrière. Et du coup, pour s'occuper... Oui, ils se faisaient chier dans les tranchées. C'est et ça. C'est du ping-pong. C'est ça. Certains soldats se sont mis à faire du sport, notamment du foot, du rugby, de la boxe, de la natation. Voilà. Ils auraient pu décider de la guerre sur un match de foot. C'est vrai. Ça aurait été plus simple. Ça aurait été plus sympa. Bon, ouais. Les tranchées, 50 contre 50, match de foot géant. Le premier qui met la balle dans les tranchées, il a gagné. Il y a quand même des équipes qui sont moins bien, des équipes, des pays qui sont moins bien. J'aurais moins de choses à raconter, je serais content. Est-ce qu'on tiendrait pas un nouveau sport? Moi, j'aime bien cette idée-là. La guerre par le foot. Bah, allez, Poutine, Zelensky, là, nous faites un match de foot, ouais. Puis on verra bien. Un en plus, pour le coup, l'Ukraine a ses chances. Hein. Ouais, ils ont des bons joueurs. C'est vrai que ça pourrait être sympa. Peut-être même plus que là, aussi. Donc, en revenant un peu à nos sports, hein, j'ai bientôt terminé. Cette guerre, du coup, elle a fait de nombreux blessés, mais elle a aussi permis l'émancipation des femmes. Et du coup, après la Première Guerre mondiale, il va y avoir le sport féminin qui va naître. Il faut quand même attendre un petit moment hein, pour que ça naisse. Mais est-ce que vu qu'elle faisait pas trop la guerre, elle faisait pas trop au sport? Logique. Ouais, c'est oui, ça. Ça s'explique. Pas de foot. Merci tranché, l'historien. Non, c'est mais surtout qu'avant, les femmes, c'était à la cuisine. Alors bon, forcément. Bye. Mais au fur et à mesure qu'elles vont s'émanciper, ouais. Elles vont aussi avoir le droit de faire du sport. Et bien, vers 1887 et aux alentours, il y a les fédérations sportives qui vont naître. Football, hockey, rugby, athlétisme. Enfin, des tonnes et des tonnes de fédérations qu'on connaît... aujourd'hui. En quelle année là, tu vois, j'ai oublié. En 1887. Ah oui, c'est très vieux. Oui, c'est quand même très vieux. Je pensais pas que ça aurait été 19e. C'est ça. Et depuis, bah, les gens veulent s'y inscrire, notamment au mois de septembre, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup trop mangé cet été. Et voilà. Aussi parce que les saisons sportives commencent après, en septembre. Oui, c'est vrai que les années sportives, c'est en année scolaire. Parce que juillet-août, c'est pas terrible pour faire du sport à cause de la température. Oui, c'était tout pour toi, Mélie. Oui, c'était tout. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Mélie, sur cette chronique histoire, sport et guerre de sport. Voilà. Et on va enchaîner directement avec un débat qui n'a rien à voir avec le sport, puisqu'on va parler de dessins animés. La voisinade sur Fadjet, les indébattables. Et aujourd'hui, si je vous dis vers l'infini et l'au-delà, vous pensez à Toy Story. Et donc, on va parler de quel est le meilleur dessin animé de Pixar. Alors, je sais que c'est un choix cornélien, c'est difficile. Mais c'est Camille qui va commencer avec ce choix cornélien. J'ai l'embarras du choix. Oui. J'en ai à peu près 5 que je voudrais citer comme ça. Mais comme il a fallu en choisir un seul, et ben j'ai choisi Vice-Versa. Ah bien, bon choix. Voilà. Mais je veux dire bon choix à chaque fois. Donc. Mais c'était dur, hein. J'en aurais bien mis 4 autres à côté. Mais bon, celui-là est vraiment sympa, il est super bien fait, il est mignon. et puis même, je trouve que même pour les adultes, ça passe. Dans la réflexion, il est très poussé. Ouais, enfin, c'est ça. Je sais pas ce que c'est, j'ai jamais vu. C'est-à-dire que bah, c'est un truc sur les émotions, t'as des petits bonhommes qui jouent les émotions à l'intérieur de la tête d'une petite fille, et du coup, bah, ça explique un peu pourquoi elle, quand si, est-ce qu'elle est en colère, si, quand est-ce qu'elle a peur. Si, j'ai peut-être vu, ouais, effectivement. Ouais. Aussi, ça me dit et c'est super fun, et je trouve encore une fois que ça se met bien pour les adultes, parce que mine de rien, gérer ses émotions, tout ça. À la fin, t'as une petite morale du style, ouais, t'as besoin de la tristesse aussi pour être heureux, machin. Enfin bref, trop bien. Ça explique, mine de rien, quelques mécanismes du cerveau de manière très simple sur comment on stocke des souvenirs. Il y a des petites blagues, c'est vraiment fun et trop bien. Ouais, vraiment. Charles. Alors, moi, j'hésite entre deux. J'hésite entre le choix de la nostalgie, où j'ai un excellent souvenir des Mille et Une Pattes quand j'étais tout Là, t'es sur quasiment les premiers sortis. J'ai vérifié, c'était sorti en 98, donc j'avais 3 ans et je me souviens que j'ai vu quand j'étais tout gosse. Bah oui, normal. Bon, j'avais peut-être déjà plus que 3 ans, sinon je ne me rappellerai plus. Mais, voilà, j'ai un très bon souvenir de Simula que j'avais trouvé super cool. Et sinon, j'ai beaucoup aimé Cars, tout simplement. Je trouve que c'est un très bon film. Je ne l'ai jamais vu. Ça fait partie des Pixar que j'ai jamais vu, parce que j'ai l'impression que c'est pour les gosses, mais je me trompe sûrement. Hein. Ouais, moi je l'ai vu, j'étais. C'est comme vu, McQueen, hein, c'est ça, un truc comme ça, le personnage principal. Non. Flash McQueen, voilà. J'ai jamais vu et Martin. Il n'y a pas un Martin dedans. Si, je crois que c'est Martin, ouais. Si, je crois que c'est de la dépanneuse, non, il s'appelle Martin. Ça, c'est la fille qui a un neveu qui dit ça. C'est trop on a repris. Il y a une dépanneuse. Une dépanneuse oui, Martin. Oui, c'est Martin. Vrai qu'il y a une dépanneuse. Oui. Bah oui, c'est un truc de voiture, et forcément. Mais c'est vieux, c'est sorti en 2000 et des brouettes. J'avais pas plus de 12 ans quand c'est sorti. Donc j'étais encore un gosse quand je l'ai vu. Normal. Et moi, j'avais bien aimé. Puis j'avais revu après coup, plus vieux, les deux. Et t'as quand même. Cars 2 et Cars 3, que j'ai trouvé. Sympa à regarder, divertissant. Voilà. Mélie. Moi, je pense que c'est le monde de Nemo. Alors, autant sur Cars, j'ai pas accroché parce que je l'ai jamais vu, ça m'a jamais tenté. Mais alors, le monde de Nemo. J'ai pas accroché parce que je l'ai jamais vu. J'ai dit, je fais de ma gueule quand même. L'histoire de base m'a pas donné envie de regarder. Oui, mais le monde de Nemo, c'est une réussite totale. Le monde de Nemo, ouais, j'ai vraiment bien aimé. Je me souviens que quand j'étais petite, je le regardais très très souvent, ce film. Je m'identifiais un peu à la Dory. Bah oui, effectivement. Comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié son prénom. Comment elle s'appelle là? C'est le Koubitou là. Mélie, ça rime en plus, Mélie Dory. C'est vrai. Je crois qu'on lui a trouvé un nouveau surnom. Et même la suite qu'ils ont fait, le monde de Dory, oui, justement, était j'adore, très bien fait il aussi, est trop bien aussi. Quand elle fait la baleine là. Non, c'est dans le premier. Non, dans le deuxième. Elle fait la baleine. Elle fait la baleine. Elle le fait dans les deux. Dans le premier. C'est beaucoup plus poussé dans le deux. Du coup, elle rentre dans le running gag. Il y a des baleines qui sont des personnages principaux. Il y a un beluga aussi qui n'arrive pas à utiliser ses pouvoirs. C'est ça, exactement. Il se cogne. Mais il se cogne partout. Et ben du coup je vais pas trancher parce que moi je vais choisir Monstres et Compagnie. J'ai beaucoup hésité entre celui-là et Toy Story parce que les Toy Story sont tous réussis. Ouais. Enfin les quatre sont très très jolis. Le dernier est un peu moins drôle mais il est plus poussé sur la réflexion un peu à la manière d'un Vice-Versa sur comment s'émanciper de machin. Monstres et Compagnie c'est un truc je peux le voir 500 fois. Ouais. Ça me fera toujours autant rire et là où ils sont très forts c'est que dans le visuel et dans les paroles il y a plein de références et de jeux de mots. Que tu captes pas forcément quand t'es gosse. Pas du et tout. Et en fait, c'est tellement bien fait. C'est tellement, il faut capter la référence. Moi, j'adore quand c'est pas écrit en gros, ça va être une blague. C'est des petites phrases. Et tu dis, mais en fait, il y a plein de références qui sont énormes. C'est Cléopâtre, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment très fin. Et je trouve que ça vieillit pas. Autant la suite était bien, mais c'était pas le. C'était, je sais plus, c'était quoi. Monstres Academy, voilà. Était bien, mais le premier Monstre et Compagnie reste une référence. Bah pour le coup, je l'ai vu qu'une fois. J'en ai aucun souvenir. Je crois que je l'ai jamais vu, moi. Ah, c'est vraiment. Ce soir, on sait quoi regarder. Je me souviens. Ah bah voilà. Non, ce soir, on regarde autre chose. Mais. Faut que tu précises parce que là, les auditeurs vont t'imaginer des choses. Non, mais les vendredis, il y a. Ah oui, mais du coup, les pas vendredis, il faut que ça sorte demain. C'est pas grave. D'accord, Charles ne sait plus quel jour nous sommes. Ce soir, on peut regarder mon stress. Et sinon, on n'a pas cité Coco, mais c'est une tuerie aussi. Coco qui est très très bien fait, qui est aussi lui aussi poussé dans la réflexion. Il est génial. C'est la réflexion autour de la mort, non? C'est ça, exactement. Et comment on. Comment un enfant. Franchement, c'est des génies Pixar parce qu'ils prennent des sujets pas faciles et ils en font des chefs-d'œuvre. Oui, c'est ce que je dis, ouais. C'est incroyable. Et du coup, prochain débat, Pixar ou Disney? Pixar, ça serait pas. Et moi, j'ai plus de... Pardon, excusez-moi. Vas-y. D'ailleurs, sur le sujet, j'ai plus de bons souvenirs de bons films Pixar que Disney. Ah oui, surtout que c'est le même univers. Ils en sortent moins, mais et c'est plus qualitatif. C'est vraiment très différent. C'est plus mature, je trouve, pour le coup. Je trouve que Pixar, il y a une vraie histoire derrière, alors que... Disney, c'est vraiment le monde de Disney. Enfin, il y a toujours des chansons dans les films. Ça, c'est trop. Ça. C'est plus pour les gosses, alors que Pixar, pour moi, c'est tout à fait adulte. C'est ça. Ça passe. Enfin, en fait, je trouve qu'ils ont été très bons pour faire un truc qui marche pour les deux. Quoi. Ouais. Pour moi, Pixar, c'est plus des films d'animation, alors que Disney, c'est des dessins animés. Ouais. Là où c'est beau. Eh ben, on va conclure là-dessus. Hein, c'est très très beau. Il est 18h30. En plus, on est tout pile à la moitié. On fait une belle phrase. Allez, ça faisait longtemps parce que du coup, à la rentrée, on en a pas diffusé. On va diffuser évidemment du Kyo. Je sais que ça fait plaisir à Frrr qui nous écoute puisqu'il pense que je travaille pour le groupe. On écoute Kyo avec Touriste en hiver. Ma peine à ta porte, mon costume noir d'homme ordinaire, échoué sous ton porche. Je perds la revanche pour faire la belle de soleil de titane. Brûle à faire pâlir à l'extrême la fureur hooligan. Colore-moi, colore ma peine. La façon dont j'aime ce monde est tragique. Je l'aime jusqu'à mordre ta poussière. C'était Kyo avec Touriste en hiver. La voisinade sur Fadjet, le génie de l'actu. Attendez, vous êtes qui, vous ? Et aujourd'hui, génie de l'actu un peu spécial puisque j'ai décidé de faire revenir la chronique préférée des chroniqueurs, c'est les voisins en or. Donc c'est simple, hein, c'est la famille en or, sauf qu'on a remplacé la famille par des voisins. Parce que les voisins, c'est un peu comme la famille. Oh, voilà. Stress ce jeu, moi. Il te stresse parce que tu as peur de perdre. Mais non, stresse pas, moi je sais que je vais perdre, mais c'est pas grave. Bien, j'adore ce jeu. Eh ben, on va attaquer directement puisque la première question. On compte les points ou pas? C'est moi qui compte les points. Ah, tu comptes les points? Ah, j'avais compté les points. Je vous dis pas que je vais réussir à compter les points. De toute façon, ça fait combien de temps? Tu prends des chèques de combien pour avoir plus de points? De quoi? Tu prends des chèques de combien? Je prends les virements bancaires, si tu veux, à partir de 500 euros, la réponse. Je me souviens que la dernière fois, j'avais gagné une ou deux fois, et j'ai gagné quoi, d'ailleurs? T'as gagné le droit de rejouer, hein. Bon. T'as gagné le droit d'être revenu pour une deuxième saison dans la voisinade. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà un miracle. Hein, du coup, pourquoi Mélie est encore là? Parce qu'elle n'a pas gagné. Hein. Si, moi j'avais gagné peut-être une fois. Parce qu'il n'y a eu qu'un paquet de madeleines et du coup ça fait la différence. Allez, on va commencer avec la première question qui a été posée à un panel de 100 Français. On va commencer par Camille. Oh la vache. Quel est le métier rêvé des enfants aujourd'hui? Astronaute. C'est pas aujourd'hui du tout. Aujourd'hui... Retour dans les années, je sais pas quoi. Non, c'est pas du tout. Il y a pas ça du tout dedans. YouTubeur. De quoi ? YouTubeur. Eh ben, c'est la top réponse pour Charles. YouTubeur ou influenceur. Ouais. Voilà, c'est la même chose. C'était sûr. Comme ton petit frère. Pardon, je parle de ta vie. Non, c'est pas grave. C'est pas, tu m'aurais dit que vous êtes acteur X, ça aurait été moins drôle. Tu vois, là, on est YouTubeur, on s'en passe. Ouais, c'est la seule fois où je l'ai rencontré, il parlait beaucoup de YouTube. C'est vrai, t'as raison. Pourquoi pas ? C'est vrai, c'est pas faux. Mélie ! Oh là là, il faut que je réponde. Ils veulent être informaticiens. Mais c'est quoi cette rêve ? C'est quoi ce métier de merde, informaticien ? Non, mais c'est pas un métier de rêve, tu vois. C'est bien. Quand t'es enfant. Je te le fais pas dire, c'est pas un métier de rêve. T'es enfant. Et moi, quand j'étais enfant, je voulais être prof. C'est pas un métier de rêve non plus, tu vois. Moi, je sais pas. Ouais, donc c'est plus connu qu'informaticien. Allez, Camille. Pompier. Ouais, c'est la deuxième réponse, effectivement, pour 16% des Français. Alors, je sais pas s'il faut que je sois trop global ou pas. J'hésite entre footballeur pro ou sportif pro. On va dire footballeur, mais. C'était sportif pro, mais je vais te le prendre quand même parce que t'as quand même précisé pro, donc du coup ça marche. Okay. Il nous en reste encore deux à trouver. Et c'était quel c'était le troisième, c'était donc on a youtubeur, pompier, sportif. Un, deux, trois, on est voilà, il vous manque 4 et 5. Vétérinaire. Non, bah il en aura 2. Comme ça au moins c'est réglé, ça c'est fait. Camille, ça doit. Je dirais, je sais pas, un président de la République. Non. Voilà. Je vais quand même répéter la question. C'est Charles s'étouffe du coup. Excusez-moi. Charles est décédé. Quel est le métier rêvé des enfants aujourd'hui? J'ai tout sauté au même moment. En plus, t'as répondu ça. Il reste, non, reste deux encore qui ont été cités par 6 et 6. Les deux sont exacts. Ok, alors je pensais à des choses. Je pensais à. Or, je pense pas à policier, mais je pense pas. Non. Ouais. On avait un autre, mais je l'ai oublié. Allez, c'est quoi la question? Quel est le métier rêvé des enfants aujourd'hui? Maîtresse. Mais t'as dit prof tout à l'heure, tu crois que maîtresse ça va être mais dedans? Mais non, j'ai dit prof, mais c'était pas à moi de répondre. Aucun des deux, bah si, c'était à toi de répondre. Mais non, j'ai pas dit prof, j'ai dit autre chose. Oui, non, c'est ça, c'est pas grave. C'est mais pas si grave. C'est pas grave. Ça va, on va passer à quelqu'un. Allez, on fait un dernier tour, Camille. J'ai pas d'idée, je sais pas moi, marchande de légumes. Marchande de légumes. Tu sais, quand tu joues à la marchande quand t'es petite, alors j'en sais pas. Elle me sort n'importe quoi. J'ai pas d'idée, bienvenue au club, Camille, viens. Moi j'ai trouvé un truc quand même. Non. Allez, dernière chance pour toi, Mélie, de marquer au moins un point sur cette manche. Attends, c'est quoi le métier? Rêver des enfants. Rêver. On a le droit de dire des bêtises si on n'a pas d'idée. Les hein. enfants. Chômeurs. Ouais, c'est bon. Je passe directement. J'ai bien fait de dire ça. Allez, ça va. Ça va. Est-ce qu'il y avait avocat? On peut savoir c'est quoi? Ah, c'était il restait acteur et chanteur. Ah oui, j'avoue, ah bah oui. Voilà. C'est pas des métiers. Allez, on passe à une autre question. Ça va vous concerner tous autour de la table. À quoi voyez-vous que votre conjoint ou conjointe a bu un petit verre de trop, Charles? Alors, on commence par quoi? Alors, je vais dire, elles sont plus. Non, mais c'est pas la réponse que je te donne à toi, okay. Mais moi, je sais qu'elles sentent plus ses dents. Juste, okay. Je l'affiche et après, je réponds. D'accord. Je sens plus mes dents. Je veux bien prendre. Alors, c'est le conjoint. Conjoint. En fait, ça dépend. Ça marche. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je sais pas. Titube. C'est bien, c'est la deuxième réponse. Okay, Titube, c'est en numéro 2. Okay. Donc, pas la top réponse, mais pas loin. Mélie. Il rigole fort. Eh ben, c'est ça. C'est, alors, j'ai parle fort. Il parle fort, il rigole. Donc, c'est parle fort la réponse. Donc, on va. Pourquoi moi, j'ai pas eu les questions faciles quand j'étais première là? Mais si, t'as eu la question facile, toi, tout à l'heure. Camille, à toi. Il en reste 3 encore. Il s'énerve pour rien. Non. Oh, y a pas ça. Non. Il dort. Non plus. Il a envie de faire l'amour de manière excessive. J'ai très câlin ou très câline, donc ouais, je vais voilà, la réponse. Pour moi, bon, ça alors, le câlin, c'est pas forcément du sexe, hein, mais. Oui, mais bon, c'est écrit très, mais donc bon, c'est sous-entendu, je pense. Oui, c'est vrai. Il reste que une réponse. Deux réponses, vous avez oublié la première encore. Ouais, pas la première. Il rougit. Non. Quand la titube. Pour l'instant, la titube, très câlin et parle fort. Il me trompe. Non, c'est pas dedans. S'il y a vraiment trop vu, il y a l'adultère. Bah, en tout cas, c'est pas cité par les Français en numéro 1. Il vomit. Non, j'ai pas ça. Mais ça là, c'est plus le verre de trop s'il vomit, c'est carrément c'est la bouteille de trop, tu vois. C'est vraiment le truc. Allez, Camille, une dernière et chance. Il est extrêmement sociable. Non. Alors, la top réponse, elle ressemble beaucoup à parle fort, mais c'est pas ça, c'est il rigole pour tout. Ah, pas il rigole fort. Ouais. Moindre truc, il rigole. D'accord. Ah, je croyais que ça avait déjà été dit, moi. Ça. Non, c'est pour ça que j'ai fait exprès de préciser, c'est bien parle fort. Ok. Parce que ça, effectivement, ça se ressemble. Ah, mais du coup, vu que Mélie a dit rigole bah, fort, oui, rigole, je serais jamais retourné sur le verre. C'est pour ça que j'ai essayé de plus en fait vous dire ça, mais effectivement. Et en troisième, on avait ne trouve plus ses mots. Ah ouais. Oui, quand tu commences à faire. Les baragouines, ouais. Ouais, la mise. Tu vois là, ça veut dire que. Il a du mal à parler. J'ai pensé aussi, mais. Allez, citez quelque chose qui rend un chien et un homme heureux. Mélie. Qui rend un chien et un homme heureux, c'est-à-dire qu'ils ont homme, un point commun. D'aller se balader. Là, tu rigoles, mais c'est la quatrième réponse. Effectivement, il y a 9 Français qui ont répondu aller se balader. Voilà. Okay. Donc pourquoi pas. J'hésite entre deux, j'espère que tu vas en dire une des deux ou ça jouera l'autre. J'en ai deux aussi. Manger une friandise. Bah, j'ai mangé, manger, c'est la top réponse. Donc c'était une de mes deux, et la deuxième, c'était niquer, du coup. Oh. Enfin, se reproduire. Oh, bah. Et ben, je vais te le compter, parce que c'est la dernière réponse, mais il y a quand même 4 personnes qui ont dit faire l'amour. Voilà. Tu as donc... précisé un homme, alors bon, je me permets. Ah non, mais t'as raison, c'est bien précisé un chien et un homme. Voilà. Mélie. Ah, il y a encore des réponses. Ah bah, ils en avaient donné 3 sur 7. Bah, être caressé. Bah, tu rigoles, mais c'est la deuxième réponse. Ah oui, c'est des papouilles. Forcément, qui dirait non à des papouilles. C'est vrai, oui. Camille, rentrer chez soi, juste. Non. Toujours content, le chien rentre chez lui. Boire, du coup. S'il y a à manger, il y a à boire. Non. Oh merde. Bon, tant pis. Être tenu en laisse. Ça va, Camille, trop loin, faut arrêter. On va même pas répondre, Camille, à toi. Je sais pas. Ah, si, je l'ai. J'ai la deuxième. Jouer. Non. Dormir. Non. Ah, c'est pas la deuxième. C'est pas du tout. Allez, on va refaire un dernier tour. Parce qu'il y en a plein. Il en reste plein, vous en avez trouvé que 4 attends, sur 7. Attends, moi je suis en train d'imaginer. C'était quelque chose qui rend un chien et un homme heureux. Un chien et un homme heureux. C'est super difficile comme question. Ah, si, être dans le coffre d'une voiture. Mais tu connais qui, qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Être dans le coffre d'une voiture. J'ai peut-être changé de nana, moi. Être tenue par une laisse, elle a dit avant. Charles, t'es maltraité quand même. J'ai des problèmes. Charles, après les courses, monte dans le coffre. Non, mais faut pas prendre mon cas pour une généralité, Mélie. Hein. On va passer à Camille, parce qu'au moins, ça va être plus terre à terre, j'espère. Quoique, pas forcément. J'en avais une il y a 2 secondes, elle est partie. Attends, ouais, pareil, courir. Ouais, je suis étonné, mais effectivement, courir. Ah, c'est pas avec aller se balader. Bah non, parce que se balader et courir, c'est pas pareil. Parce que quand tu es un homme, tu cours ou tu vas te balader, c'est pas pareil. C'est vrai. Viens, Charles, on va se balader. C'est vrai, c'est vrai. On va se balader autour d'un terrain de foot pendant 5 tours. Allez, Charles, dernière réponse que je prends. L'amour. Avoir une femme, une femelle. Bah t'as déjà dit faire l'amour, bah et il oui. y a pas de truc qui non pas faire l'amour non mais j'ai être pas amoureux quoi non ouais non d'accord. Il m'en reste deux amoureux. Alors, c'est super cool. la troisième réponse hein. J'avais remué la queue. Oh non. Voilà, quand même il y a quand même 10 français quoi. Mais ouais, non. Et enfin c'est j'avais con. Joué avec une balle. Moi oh, j'avais dit jouer ouais mais du coup jouer avec une balle et jouer c'est quand jouer même avec beaucoup une plus balle. C'était très spécifique. Bah, un chien jouer quoi d'autre qu'une balle. Oui mais moi j'ai jamais vu un homme jouer avec une balle au foot. Ah bah oui ouais c'est vrai. Ouais, c'est pas con. Puis avec le chien, il joue avec une balle, du coup. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Allez, avec quoi peut-on tuer des insectes, Camille? Avec une tapette à mouche. Eh bah voilà, bah, avec une tapette, ouais. Effectivement. C'était une top réponse. Avec facile. Une chaussure. Avec une chaussure, c'est la 4e réponse. Ah. Je précise quand même, c'est-à-dire que moi, j'utilise souvent mes chaussures aussi. Pour taper les bestioles. Ouais. Avec un torchon. Ouais. Torchon, serviette. Je regarde ces trucs qui ressemblent à torchon, mais je peux. Non, j'ai vraiment rien qui ressemble à torchon. Avec les mains. Nous on fait ça. Mais... Avec les mains, effectivement, à l'ancienne, hein, sans produit, sans rien. Avec les mains, effectivement, c'est la 3e réponse. Avec un produit, du coup. Bah voilà, oui, ça connaît. Non, ça, celle-là, elle compte pas. Hein. Pourquoi? Bah, t'as donné la réponse. Pourquoi? Tu dis quoi? Bah, t'as dit ah avec oui, un. C'est vrai. Je t'ai dit sans produit. Moi aussi, je me suis dit, quand même, s'il y a produit dedans, c'est bizarre. Oui, j'avoue. Mais oui, bon, du coup, c'est insecticide, donc c'est un produit. Il a été réactif, voilà. Ah oui, c'était à lui de jouer. Mélie, il te reste encore 3 réponses. Avec ses animaux. Quoi? T'as un insecte, on voit le chat bouffer la boule. Ah, mouche, tu prends et tu tapes avec. C'est quand même bizarre. Hein. Tu sais, si t'as une araignée et t'as une poule qui traîne, tu prends la poule, tu la mets à côté de l'araignée, qu'est-ce elle va bouffer l'araignée. Hein. Ouais, c'est pas grave. Camille, ce soir, il reste 3. Au pire, elle arrête c'est de jouer, non? Avec un aspirateur. Non. Oh, ah, c'est monsieur. Pas con. Je te jure que si, tu sais. Il est dedans. Un livre? Non. Allez, dernière réponse pour toi, Mélie. Même si je pense que c'est déjà mort depuis longtemps. Attends, tu peux redire avec la question. Avec quoi peut-on tuer des insectes? Avec quoi peut-on tuer des il insectes? Il reste 3 réponses qu'on peut être citées. Il y a 3 réponses. Avec quoi peut-on tuer des insectes? Bah, si on pouvait finir l'émission avant 19h30, ça m'arrangerait. Avec le pied. Je réponds pour Mélie. Avec, avec de l'eau. Non, bah. Tu les noies, les insectes. T'aurais dû écouter Charles, parce qu'effectivement, on avait tongs, raquettes électriques et pieds. Ouais. Ah mais on a dit chaussures. Bah oui, il y a eu chaussures. Ah, chaussures et tongs. Mais tongs. Et tongs. Chaussures et pieds, ça me choque pas. C'est 2 réponses distinctes dans mon panel. Chaussures et pieds, ça me choque pas parce que chaussures, c'est tu prends à la main et tu tapes la gueule de la bestiole. Et le pied, c'est bien, tu marches dessus. Il faudrait qu'ils fassent des efforts quand même. Chaussures et tongs, c'est la même chose. Chaussures et tongs, c'est un peu la même chose. Ouais, effectivement. Mais bon. Ils ont mis ça dans 2 trucs différents. En plus, il y a quand même 13 qu'on dit chaussures et 8 qu'on dit tongs. Donc c'est quand même assez distinct. Allez, on va faire une petite dernière rapidement. Qu'est-ce qui peut vous déranger pendant que vous prenez votre bain, Charles? Mais dis, en fait, qu'est-ce qui peut déranger j'ai envie de dire des conneries, pardon, ça va pas. Un animal, les enfants. Et j'allais répondre à sèche-cheveux, mais c'est juste pour la vanne. Ça dérange, effectivement. Les enfants est une bonne réponse, effectivement, puisque c'est la 4e réponse citée par 10 Français. Un coup de téléphone. Et ben c'est la top réponse, ouais. Voilà. Mais ah, j'ai quand même trouvé quelque chose. Il y a quand même 30% des Français qui ont dit ça en premier, genre un appel téléphonique. Ah, j'ai souvent mon téléphone avec moi quand je prends un bain, donc du coup, en fait, ça me dérange pas. Donc, j'ai oui, pas c'est vrai. Mmh. Une envie dérange. De faire pipi, ça dérange. Ah ouais, c'est chiant. Bah, ça dépend, tu peux pisser dedans, mais après, ça, c'est le cas. Ouais. Non, très propre, j'ai pas l'envie de faire pas de chlore dans le bain, donc c'est chiant. Ma femme. Alors, est-ce que j'ai ma femme dans la réponse? Femme, compagne Non. Ah, dommage. Pardon, j'ai dû faire un bruit de ouf. Oui, c'est le gars, il tousse dans le micro. Tu n'es pas tout seul. Ouais. L'eau, elle devient froide. Ouais, c'est la deuxième réponse. Non, c'est ce que je voulais dire. Oui, non, bah voilà, laissez-moi dire des bonnes réponses quand même. Mais il fait une remontada, effectivement. C'est pas une connerie. C'est 20% des gens qui ont répondu ça en premier. Je dis quoi, moi? Il te reste encore 3. Le petit bitonio de l'eau, il s'enlève et pouf, la baignoire se vide. C'est super long comme réponse. C'est clair, je sais pas, le petit bitonio. Non, j'ai pas. Allez, on refait un dernier tour. Alors là, j'ai aucune idée. Le chauffage qui se coupe. Bah, c'est l'eau devient froide. Je vais te l'accorder parce que j'ai panne d'électricité. Et du coup, c'est pas vraiment le chauffage, mais ça peut être un chauffage électrique, on va dire. Donc, on lui donne des points un peu gratos à chaque Le truc qui lui vient à l'esprit quand il est dans son bain, je dis ah, j'ai pas envie d'être dérangé par une panne d'électricité. C'est, ça, ouais. C'est clair, j'avoue. Mélie. Bah, alors, c'est un truc qui concerne les filles, mais j'ai mes règles. Non, c'est dérangeant. Hein. Bah, oui, c'est dérangeant, mais tes règles. Du coup, tu peux répondre à la question. Du coup, c'était ça ta réponse? Bah oui. Non, bah, c'est faux. Hein, comme j'ai jamais eu les deux meilleures réponses sur ce tour-là. Ça aurait pu. Allez, Camille, ça la dernière pu, réponse hein. de ce jeu. Et bah, du coup, je peux dire une bêtise. Bah, ne pas avoir de baignoire, mais qu'une douche. Ah, c'est embêtant, ça. Bah, c'est sûr, j'ai plus d'idées. Il y a un moment, moi, on m'a pris toutes mes réponses. En plus, on donne des réponses gratuites à Charles, donc. Non, mais alors, je la donne gratuitement à Charles parce que les réponses qui restaient, ils restaient sonnés à la porte. Ah oui, ce qui peut être dérangeant. Oui, on avait quelqu'un qui rentre. Il a dit ma compagne. Du coup, j'ai trouvé ça trop précis par rapport à quelqu'un. Mais du coup, je me suis dit, bon, sur le chauffage et la panne d'électricité, on va dire que c'est ça. Donc voilà. Donc pour les points, je vais les compter. Mais pas maintenant, parce que la dernière fois que j'ai compté ça à la rage, j'ai fait n'importe quoi. Donc on va tout de suite se faire une petite pause musicale. Attends, avant la pause, faut que tu dises le gagnant, il a quoi? Un Kinder. Okay. Pardon, c'est pas moi qui gagne en plus. À Kinder Bueno White, c'est moi qui gagne. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Le gagnant aura un Kinder et vous tiendra au courant juste après la pause musicale. Puisque tout de suite, on va écouter. Vas-y, tu voulais parler. Pardon pour l'idée, je pourrais avoir un Kinder aussi. Et moi j'en veux bien. Moi j'ai des madeleines. Bon, si en fait, on achète un paquet Kinder, on le bouffe ensemble quoi. Bah voilà, c'est ça. Ok, impeccable. Bio, on compte pas les points. Bon, j'ai quand même compté les points, mais en attendant, pendant que je compte les points, on va s'écouter Viva Las Vengeance de Panic at the Disco. Et c'était Panic at the Disco avec Viva Las Vengeance. 18h, 19h, la voisinade sur Fadjet. Camille vous fait voyager. Et pour ces 10 dernières minutes d'émission, on a décidé de vous faire voyager, vous, auditeurs, avec Camille. Ouais. Je suis contente de retrouver ma petite musique de road trip. Là, ah, je peux la monter. Elle m'a manqué. Ouais, monte-la, comme ça on l'entendra pas, Camille. Un peu plus fort. Tu sais que je peux baisser ton micro aussi sur oui, certaines personnes. Ça, c'est toujours moi qu'on entend au plus de la fin, on le mord. Camille, tu veux nous parler de quoi aujourd'hui ? Je vous emmène loin, loin, loin, parce que je vous emmène en Bolivie. Parce que c'est mon truc du moment, voilà, j'ai toujours des trucs du moment, et là en ce moment je suis sur les fameux Salar d'Uyuni, dont je vous ai déjà parlé ici, dans une chronique, mais que je vais détailler un peu plus, si, parce que je t'avais demandé quel était le plus grand désert de sel du monde, et tu t'étais trompé d'ailleurs. J'ai re-oublié. Parce que t'avais dit oui, c'est en Mongolie ou je sais pas quoi. Alors, oui, c'est vrai, en plus je m'en souviens. Effectivement, le Salar d'Uyuni en Bolivie, donc il y a évidemment un grand désert de sel qui se... Alors, par contre, il se situe à 3500 mètres, hein, plus de 3500 mètres d'altitude, c'est en une moyenne, mais c'est 3600 et quelques. Je vous donne plus de chiffres, hein, parce que de toute façon, vous lirez... Hein, non, on tiendra pas, voilà. On tiendra pas. C'est la partie chiffres, mais c'est quand même impressionnant. Donc il y a 6850 îles au Japon, ou un truc comme 152, ça. 152, je crois. Ouais, voilà. Non, alors le désert a une superficie totale de plus de 10500 kilomètres carrés. Donc gros désert. Petit chiffre intéressant aussi, c'est que la couche de sel est de 40 mètres sur le Salar. Donc, c'est, 40 mètres, ouais. C'est énorme. C'est très salé, quoi. Tu m'étonnes. Tu fais un fish and chips là-dedans, elle est sombre. Ah, c'est trop, là. Gros poisson, il faut. Hein. Non, mais voilà, c'est un lac qui remonte à... Enfin, sa formation remonte à plus de 10 000 ans, puisqu'avant, c'était un lac préhistorique géant. Et quand... C'est là qu'il y a Salt Lake City. Alors, c'est Bolivie, pas tout à fait en Bolivie, mais... ce sera, c'est un autre délire. Salt Lake. Captain, we are in Salt Lake City in Bolivia. C'est mais... juste Salt Lake Ciudad, quoi. Mais bon, c'est pareil. Ça ressemble. Ciudad. Alors, vous avez plusieurs façons de voir ce désert. C'est que quand il est sec, vous allez voir un sol tout blanc, tout craquelé à perte de vue. Et quand il est sous l'eau, et ben, ça fait comme un miroir géant, en fait, où tout se reflète, le ciel. Et donc, quand ça il est sous l'eau, genre sous l'eau. Non, pas sous l'eau. C'est juste qu'il y a de la limite, pluie, quoi. Et okay. Que du coup, ça te fait un miroir... Enfin, ouais, c'est vraiment tout lisse, ça te fait un miroir et ça reflète le ciel. Donc en gros, tu mets un personnage au milieu j'ai déjà et t'as... vu des images de ça. Ça doit être joli. Ça avait l'air de faire des trucs de ouf. Je crois que c'est ça que c'est mon truc du moment, c'est incroyable. Enfin, j'ai déjà dû tout le montrer. Ça veut dire chérie, on y va quand. Ouais, ah, mais ouais, carrément. C'est mon truc du moment, je ne pense qu'à ça. Et je dois aussi dire que j'ai appris que Pékin Express partait là-haut pour la prochaine édition. Et je suis tellement jaloux, je me suis dit, bah, je m'en fous, je fais une chronique là-dessus. Bah, surtout qu'on avait postulé, que tu nous as rappelé, Stéphane Rotenberg. Je le dis à chaque émission. On ira. Oui, je suis très inspirée par Pékin Express pour mes chroniques. Prendre les billets d'avion encore une fois, Camille, t'inquiète. Pour la deuxième fois. Attention. Il montre de belles images en même temps avec l'Express. Ouais, je peux comprendre que pour les grands baroudeurs comme vous, c'est ça donne envie d'y aller. Mais j'avais déjà envie, mais alors là, ils ont rajouté ça derrière. Alors du coup, il y a donc deux grandes saisons. Donc comme je vous le disais, c'est donc la saison sèche et la saison des pluies. Donc saison sèche entre avril et novembre et saison... C'est difficile à dire. Hein. Il pleut et il pleut pas. Ouais, ça, voilà. On comprendra. De décembre à mars, voilà. Donc il faut bien choisir ce que vous voulez voir... pour la période où vous y allez. Le mieux, c'est d'y aller genre fin mars, peut-être tu vois les deux. Ouais, alors... c'est, Si ça se décale, t'es mal, quoi. Si t'as une semaine de décalage cette année... Ouais, puis il faut avoir quand même de la chance. C'est-à-dire que comme la saison des pluies dépend des pluies, bah, t'as beau y aller pendant la saison des pluies, il faut qu'il ait plu avant pour que t'aies le reflet de... du miroir typique, donc c'est pas forcément gagné. Alors après, il faut faire aussi attention aux températures, parce qu'elles peuvent être glaciales la nuit en hiver, donc bon... Il y a pas mal de petites choses à voir pour savoir à quelle période tu préfères y aller. Et du coup, ça me pose un dilemme, hein, moi, perso. Mais voilà. Tu vas y aller aux deux, puis voilà. Il faudrait y aller deux fois, quoi. Mais oui. C'est à côté, la Bolivie. C'est bien, en plus. Oui, tu prends le Poudlard Express, tu y es tout de suite. Voilà, puis tu sais, depuis Salt Lake Ciudad, ça... Alors par contre, quelle que soit la saison, il faut prévoir ce qu'il faut par rapport au rayon du soleil, puisque l'effet miroir, alors forcément c'est mortel. Ça doit être violent, bah oui. Ouais. Donc bien prévoir des lunettes de soleil haute protection, et puis il faut savoir gérer un peu la réverbération des rayons de soleil, même niveau vêtements, c'est pas évident, donc bien savoir comment s'habiller. Tu viens en combinaison de cosmonautes, comme faut ça. Il faut pas mourir de chaud, quoi. Mais par contre, pour les photos, ça va perdre du charme, parce que blanc sur blanc... C'est vrai. Mais c'est ça ou tu es rouge comme une crevette, quoi. Tu la prends sale, la combinaison, comme ça, elle sera pas vraiment blanche. Je te roule, en fait. Mais dans le sel, ça fera blanc. Alors, autre chose à prévoir, c'est nausées, maux de tête. Attention, évidemment, à cause de l'altitude. Bah oui. C'est possible d'avoir le mal des montagnes, puisque, comme je vous disais, c'est situé à plus de 3500 mètres d'altitude. Et des fois, pendant le séjour, en fonction de ce que vous allez visiter, vous pouvez dépasser les 4000 mètres d'altitude. Et donc, il faut une petite acclimatation progressive à faire. Bah oui. Voilà. Bah tu vas parler de tiens, aujourd'hui, je me fais une randonnée de 10 km dans le désert. C'est ça. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Puis j'y vais en courant, allez. Et moi, je me demande si on est sensible ou pas, parce que j'aimerais vraiment bien aller là-bas, mais j'ai aucune idée de si je suis sensible de ça ou pas. Et au soleil, oui, mais après. Au soleil, oui, mais à l'altitude, je ne sais pas. Alors évidemment, il y a des restrictions pour certaines personnes, par exemple femmes enceintes, problèmes cardiaques, problèmes d'asthme, voilà. Ah, bah je vous attendrai en bas. Est-ce que les enfants sont autorisés à l'altitude ou pas? Oui, normalement, j'ai vu des photos avec des enfants. Ah, dommage. dommage. Le temps d'essayer. Tu n'aurais même pu les abandonner là-haut, tu vois. Alors, contre-argument pour que tu aies envie d'y aller, tu peux croiser des troupeaux de lamas ou des flamants roses. Ah, trop bien. Parce qu'il y en a, alors les flamants roses, il y en a partout. Parce que, alors, au-delà du marais salant, là, qui. je dis ça comme ça. Qui a là-bas, il y a plein d'autres petites régions autour avec des geysers, des choses comme ça, qui sont beaucoup moins blancs. Il y a par exemple un endroit qui est très rose, il y a plein de flamants roses dedans, donc ça fait pas de contraste justement, mais ça fait vraiment très joli. Bah oui. Donc les flamants roses font partie intégrante. Une région qui est très rose. Ouais, c'est encore une question de minéraux qu'il y a. Il y a une partie avec c'est des geysers. C'est désertique aussi Non, bah, en fait, c'est une partie très volcanique là-bas. Il y a des geysers parce qu'il y a une activité volcanique vachement intense. Et du coup, il y a des minéraux. Plus tout ça, ça fait des trucs géologiques des très trucs incompréhensibles. Roses, voilà, qui font des choses très colorées et très jolies. Stylé. Ouais. Donc voilà. Ah oui, alors le désert de sel, donc du Salar de Uyuni, il regorge de lithium. Donc c'est une des grandes sources. Alors c'est une exploitation. Ils utilisent le lithium, c'est une source de richesse. Non, mais j'ai toujours peur que quand il y a des richesses comme ça, ils déforestent tout, ils détruisent tout. Il y a un peu ce problème-là quand même, c'est-à-dire que c'est souvent le cas. Ouais, ça. Le business avant tout. Bah, c'est mal géré, quoi. Donc, ouais. Mais bon, c'est quand même quelque chose. Bah, bien pour eux parce que ça leur fait une source voilà sympa et donc c'est ce qu'ils utilisent tu sais pour les batteries en fait et les appareils électriques, ordinateurs, voitures électriques et tout donc évidemment ça va être de plus en plus donc le lithium entre dans la composition d'1,5 milliard d'appareils électriques et ils disent pour le moment parce que évidemment ça va il y en aura encore plus bientôt toujours plus en plus quand il y aura plus de pétrole hein. Ouais. Donc du coup, il est conseillé évidemment de prendre des guides ou des tours opérateurs pour faire votre visite dans le désert, puisque évidemment, y aller soi-même entre les routes qui sont pas très praticables facilement, etc. Voilà, plus les conditions climatiques, tout ça, ils disent en gros, voilà, vaut mieux prendre tout seul, c'est chaud. Un guide. Vous pouvez le faire en 4x4, à moto, vous pouvez même dormir dedans, donc pareil, hein, pas trop faire ça soi-même, parce qu'apparemment, il y a plein de conditions à faire. Il faut faire gaffe à où tu dors. Voilà, mais par contre, il existe des hôtels en sel qui sont construits à partir de sel. Vachement beau, ouais. Quand il pleut, l'hôtel, ils font. Voilà, c'est un nouveau concept. Non, mais en vrai, franchement, ça a l'air vraiment joli, si par exemple. Si t'as une brochette qu'elle a un peu juste. C'est ça, tu la trempes par terre. Contre le mur. Ouais. Nickel. C'est trop bien. Il y a un hôtel qui est le Luna Salada, qui est construit à 95% en sel. C'est incroyable. C'est énorme. Ouais. Il a 40 minutes de marche du Salar et vous avez une chambre avec un décor tout en sel. Alors il paraît que c'est ultra zen comme décor. Bah, oui. Vous avez votre sommier, le sol, le mur, enfin tout est fait en sel. Vous avez des petits. Apparemment, ambiance chaleureuse, atypique, ouais. Un peu cocooning. Vous avez pour Charles la possibilité d'aller au spa jacuzzi et faire des massages. Bah, oui. Forcément. Au sel. Et j'ai regardé, c'est pas si cher. Je me suis amusée à simuler comme ça. Là, c'est si le niveau je veux partir. De vie bolivien. Quoi. Ouais, si je veux partir le 15 septembre par exemple, j'ai trouvé à partir de 130€ la nuit. Donc aujourd'hui, je trouve quoi. Que c'est assez raisonnable. Camille, voilà. Elle part ce soir. Si vous êtes en voiture, vous quittez tout, vous lâchez le volant et vous prenez directement la direction. C'est vrai, c'est vrai. Donc si vous voulez y aller là, c'est pas cher. Après, je pense qu'en fonction des moments dans l'année, c'est différent, mais voilà. Et donc il y a plein d'autres choses à voir aussi autour de l'île, dont les geysers, etc., dont je parlais, activité volcanique et le joli désert tout blanc que j'ai très envie de voir. Voilà. Et ben voilà, donc si vous avez. C'était combien le prix du billet ou du truc là? Le prix de la nuit d'hôtel. Ouais. 130, voilà, donc 130 si vous avez 130€ encore sur votre PEL, je vous invite à partir direction. C'est juste la nuit. Hein. C'est pas grave, tu vas juste une nuit, ça va. Et, c'est bon, et puis on y va à pied, quoi, la nage, ça va. Et oui, il est déjà presque 19h, c'est déjà la fin de la voisinade. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Les petits chroniqueurs, juste un petit mot pour dire que je vous aime. Voilà, les voisins, c'est la famille. On t'aime aussi. Je vais faire une petite promo très rapide. Si vous ne savez pas quoi faire, ce week-end, le samedi 17 à 20h30 à la MJC Pichon, il y a la rentrée de l'impro, puisque Improdisiaque va jouer un match d'impro. Donc si vous voulez vous amuser pour 4€, je vous invite à aller voir ça ce week-end. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Bisous, bisous, ciao tout le monde. Salut.